suis la fou, j'ai le style et la zik, mais le passé les teams, je vois déjà les mofs aux chasses. J'ai les coqs contre les poux, aussi les plats contre les mous, les lèvres contre les coups. Faut s'installer une ambiance cool, je sens ces lèvres contre les loups. Vous contre les nous, ok, bougez, bougez ça. Soyez pas timide, mademoiselle, voyez. Touchez, touchez ça, vous, touchez ces coups sans moralité. Mais je préfère toucher, toucher, coucher sans sensualité. Touchez ces coups sans moralité. Mais je préfère toucher, toucher, coucher sans sensualité. Mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. Mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. Je suis prêt à bouger la boue et faire bouger les têtes. Hades et Kimasta ce soir, man, personne ne s'embête. Les femmes se sont toutes fait belles juste pour trouver un mec. Les mecs se sont mis au pied parfumé pour mettre la disquette. Chacun a pris sa bouteille conditionnée pour faire la fête. Tous les gens se sentent bien, puis personne ne fait la vedette. L'ambiance est très bonne et personne ne prend la grosse tête. En fait, tout le monde est cool, tout le monde est clean. Tout le monde a le respect, la bonne discipline. Personne n'est un bandit et personne n'est la victime. Tout le monde est cool, tout le monde est clean. Hey, mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. Hey, mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. Ok, j'fais bouger les gars, fais kiffer les gros, on mode trap ça. Tout le monde il est beau, fais péter les bras. Faut bouger les gros, on croque et passe place. Tu peux toucher mes gros, comment tu t'appelles? Carolina, tu cherches le steak, tu fais la paix, t'as une bonne mina. Moi j'aime pas les pas, avec les patates, mes skins. Égal, rapproche-toi de moi. Je veux sentir ta chaleur, te sentir près de moi. Mets-toi bien et bien danser. Bouge ton corps, ne te fais pas prier. S'il te plaît, fais pas de cinéma. Montre-moi comment tu bouges avec ton bigonda. Ce soir j'ai envie de m'amuser. Personne ne doit se sentir isolé. Hey, mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. Hey, mets-toi bien et bien dansé. Bouge ton corps, faut le réclencer. Ce soir c'est chaud, en plus tout le monde est de taille. C'est le chant des trèves et des caïras. C'est la trompe pour tout. Hades, tu m'as tard. 6-9-9-3. Plus frollo. Hey, ah, si si. C'est pas test ça, non non. C'est même pas la peine. Bombe au clac.